On va continuer à contrôler. On est très heureux d'avoir contrôlé. C'est sûr que je prends de la place. C'est sûr que je service. C'est sûr que je suis contrôlant. On est contrôlant. Le comité exécutif est contrôlant. Puis il y a beaucoup d'adversaires qui disent « Ah, ils contrôlent tout. Il y a une main de fer, ils contrôlent tout. » Ben, c'est vous, on va continuer à contrôler. Qu'il est un ultra-gauchiste, c'est bien mal le connaître, puisqu'il est maintenant un homme en or. Voici votre animateur, Jean-Philippe Baudier! Hey! Bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre du témoignage de Joe Borsellino à la commission Charbonneau. Bonsoir tout le monde, Fred Savard, bonsoir. Bonsoir! Hey, quoi que se remettre d'un témoignage, c'est quand même moins douloureux que de se remettre d'une reconstruction faciale. Hey, on a appris ça cette semaine. Mais Borsellino l'a dit, son 7 heures passées en chirurgie a rien à voir avec la mafia. C'est un addon. Il avait pas l'air trop confiant quand il a dit ça. Hein? Ouais, je pense parce qu'il y a encore des os à ressouder un peu dans la mâchoire. Ouais. Ben, une batte de base, une batte de base. La mafia, ils savent soigner ça. Mais bon. Mais moi, je suis surtout tombé en bas de ma chaise quand j'ai appris que c'était Gilles Surprenant, qui était le génie derrière toute la collision à la ville de Montréal. Il n'y a pas l'air d'être ça, ce monsieur-là. Non, mais il faut se méfier des gens qui n'ont pas l'air intelligents. Albert Einstein, il n'y a pas toujours l'air brillant, ces photos. Oui, mais en même temps, je ne suis pas sûr que petit Gilles est un genre de gars qui comprend la théorie de la relativité, frère. Ouais, c'est sûr. C'est dur de mettre un pourcentage sur la relativité. Quoique 3 % de E égale MC2, fait de l'argent pareil. Elle est finie. Ah, ouais, regarde, c'est pas compliqué. Non, mais moi, quand je pense aux pauvres entreprises en construction qui étaient obligées de nous fourrer à cause de l'intelligence supérieure de Gilles Surprenant. Non, c'est surprenant. C'est le cas de Ouais, c'est ça. C'est bien la quatrième fois qu'on l'a fait, cette joke-là. Au moins. Ouais, facile. c'est pas pour rien qu'il se payait d'un voyage en Italie. Hein? C'est pour décompresser. Écoute, c'est fatigant de travailler avec quelqu'un avec une intelligence supérieure. J'en sais quelque chose. Merci, Fred. C'est moi qui l'ai écrit, celle-là. Je te remercie beaucoup. Et parlant de brillant, on a appris cette semaine que Philippe Couillard, s'il était premier ministre, abolirait la taxe santé. C'est extraordinaire. Mais avec des propos comme ça, c'est au PQ qu'il devrait devenir chef. Ah ben oui. De toute façon, il va y avoir une course à la chefferie bientôt. Je pense que oui. Ben oui, ça roule, ça. C'est bien parti. Oui, ça s'en vient de même. Fred, aussi, je pense que Philippe Couillard, ce qu'il essaie de faire, là, c'est d'attirer l'attention des médias. Parce que les médias ne parlent pas assez de la course à la chefferie du PLQ. Ça, c'est selon des députés libéraux. Quelle course? Mais on vient le dire, la course à la chefferie du PLQ. Ah, mon Dieu, qu'on l'oublie vite. Ben oui, il y a ça avec ça. Mais gars, c'est une preuve. On devrait arrêter de faire des blagues là-dessus et juste passer l'information sur la course à la chefferie. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Quelle course? Voyons donc, Fred, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Ben là, voyez bien. Personne n'en parle, personne n'en parle. Ils ont juste à demander à la presse. Là, c'est les organes officiels, il paraît. Non. Il y a plein de monde qui dit ça. Non, ça, c'est très injuste. Premièrement, Marie-Claude Lortie ne parle jamais du Parti libéral du Québec. Jamais. Ils n'ont pas ouvert un resto branché encore. C'est juste pour non, mais gars, ça s'en vient. Ça s'en vient. Connais-tu quelqu'un qui ne veut pas faire parler de lui par Marc-Claude Lortie, lever la main. Bon, ben ça, la main, c'est une blague. Là. Non. Franchement, très gentil, Marc-Claude Lortie. J'ai déjà rencontré en jogging. Ah oui, en jogging. Ouais, jog. Y a-t-il quelqu'un qui fait pas du jogging après? Non, je pense que c'est pas possible. Êtes-vous sûr? Ouais. Parlant de bonnes blagues, il y a la rectrice de l'Université McGill qui l'a dit cette semaine et prétend que le sommet sur l'éducation, c'est une véritable farce. C'est drôle, moi, la farce, c'est de voir qu'elle gagne 600 000 $ par année. Puis en plus, elle nous charge 40 000 $ pour de l'entretien ménager. Voyons donc. Mais avez-vous déjà essayé de faire le ménage dans l'université, frère? Ah ouais. C'est long. C'est long. Bon, c'est pas l'UQAM, là. C'est quand même pas propre. Je veux dire, franchement. Mais elle a aussi dit que les. Ben, ça sent pas bon, l'UQAM. Qu'est-ce que je veux dire? Elle a aussi dit que les médias ont donné trop de place aux leaders étudiants et on doit faire notre mea culpa, parce que depuis le début de cette émission, au mois de juillet, on a reçu à 3 reprises Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a une étude qui a démontré que pendant le conflit étudiant, tous les médias étaient pour le gouvernement, sauf le devoir. On ne doit pas être pire que ça. Arrêtez donc de vous en tenir aux faits, Fred. On n'est plus au 20e siècle. Mon Dieu, je fais vieille France. C'est extraordinaire. Regardez ce qui se passe en Gaspésie. Ça. On l'a vu, là. C'est qui fait passer la compagnie Petrolia pour des méchants? C'est les médias? Ouais, mais là, attends une minute. Le forêt à 150 mètres d'une source d'eau potable, faut quand même faire attention un petit peu, me semble. Là. C'est quoi le problème avec le pétrole dans un robinet? Les 5 premières minutes, ça te sert à t'inquiéter ton char, puis après ça, le reste, tu bois. Voyons, les gens sont plus patients. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre en même temps. On a lu dans les journaux cette semaine que on serait même pas prêt au Canada à affronter une marée noire. On a appris ça. Le gouvernement un peu a changé plein de lois sur l'immigration. Là, on va contenir la marée noire, voyons. Non, pas ce genre de noir-là, Fred. Ah! embêtant. Des noix liquides! Ouais, ah ben ouais, je vais vous expliquer ça plus tard dans l'émission. C'est un peu embêtant. Ça peut causer des. Il y a du monde qui ont perdu le job pour des niaiseries de même. Fait que, au moins, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles à Ottawa. Écoutez, on a appris que le gouvernement Harper voulait serrer la vis aux entreprises canadiennes qui font de la collusion, mais dans des pays étrangers. Ah, ben crime, mais c'est peut-être ça la collusion. La solution pour régler la corruption au Québec. On se sépare puis on demande au Canada de venir enquêter. Ah, c'est pas fou, mais faut penser que. Ouais, non, mais c'est pas fou, mais il va falloir penser que la GRC va devoir affronter le très méchant Gilles Surprenant. Oh, ouais, ouais, c'est vrai. Gilles Surprenant, c'est pas. Il paraît que t'as tout un swing de golf là-dessus. Ah, ouais. Approche-toi pas de son fer 4. C'est ça qui circule dans le milieu. Hein? Paraît qu'il y a un gros T aussi. Ah, oh boy. Faudrait demander à Madame Surprenant. Hein? Humour social, hein? Ouais. L'humour social. On fait avancer les choses ici. C'est incroyable. Hein, franchement. Non, mais parlant de ça, on reçoit des invités qui, eux, ont fait avancer les choses. On reçoit Micheline Langteau. Ah oui, ils l'ont sorti de prison, finalement. C'est un téléroman, Fred, Unité 9. Ah, mon Dieu, c'est tellement bien fait. Je t'assure, c'était vrai. Vous jouez pas dedans, vous, d'ailleurs? Non, non. Ah, parce qu'il y a des policiers quand non, même. Non, j'en fais plus de police. Arrêtez donc. Non. Qu'est-ce que vous faites, Stancy? Ben là, j'ai un raciste bientôt dans un film, là. Un raciste? Oui. Une police, non? Non, non, mais j'ai pas de casquette. Ah, OK. On reçoit également le coloré communicateur Gilles Proulx. Mon Dieu, le coloré communicateur, vous êtes bien poli. Mais là, premièrement, parce que je veux pas le faire péter à la coche tout de suite, hein? Surtout que la soirée est encore jeune. Ben, les gens ont pas beaucoup applaudi, hein, tu sais, d'après. Je sais pas si t'as. Je vais sortir ma flûte avec. Ouais, ben, on va. On va sortir Olivier Niquette. Peut-être c'est là que ça va fonctionner. Hey, salut. Olivier, Internet. Oui, les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée ou facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront voir une vidéo poche où le bonhomme carnaval se magasine un palais. Ah. Salut, bonhomme! OK. Saisissant. Ça a pas, il est pareil. Ça lève pas on encore. Pas applaudi non plus. Mais en même temps, celle-là, je comprends. Grosse semaine d'actualité, hein? Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler du sénateur Patrick Brazeau qui s'est fait expulser du caucus conservateur. Hein? Ah ouais, il est bien chanceux, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, ben c'est ça. OK. Je sais pas si vous avez appris que Mise au jeu va permettre pour la première fois cette année de miser sur les gagnants des Oscars. Ah, enfin! Ben oui. Mais on trouve à la soirée, t'es encore jeune, que l'Auto-Québec ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin et ça nous a inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors voici donc 5 autres domaines sur lesquels on devrait pouvoir miser. En 5e position, les chances de Justin Trudeau de devenir premier ministre du Canada. Hein? Je sais pas c'est quoi les odds là-dessus, là, mais moi je dirais que c'est one chance out of three. Tu sais, je suis bilingue. Ben oui. Bon, non, en tout cas, s'il est élu, je pense que l'Auto-Québec devrait donner un prix de consolation à tout le monde, même ceux qui n'ont pas misé. Ah ouais? Moi je pense que ça serait tout le monde est gagnant. Ouais, OK. En 4e position, les chances que l'AC démontre de la souplesse. Ben, oh, ça. Ben je pense que non. Je pense que les probabilités sont plus faibles de gagner la 649. Il devrait faire un gratteux juste pour l'AC, mais juste avec des nuls découverts. En 3e position, les chances que Québec ait un jour une équipe de la Ligue nationale. Mais ça, c'est à 100%. En tout cas, Philippe Quentin en parle dans toutes ses chroniques. L'avez-vous déjà lu au complet, Philippe Quentin? Non, souvent, je m'arrête au titre, puis après ça, je dors. Ouais, c'est ça, hein? Je pense qu'on devrait plutôt miser sur les chances de quelqu'un qui finisse un article de Philippe Quentin. Ah, bon, ben peut-être que finalement, les Nordiques vont revenir. Ouais, avant, ben oui. En 2e position, les chances que Lucien Bouchard, qui vient de quitter l'Association pétrolière et gazière, se trouve une job encore moins populaire. Oh boy, ça sera pas facile. Non, ça, c'est un autre gratteux nul, c'est découvert pour moi. Et en première position, miser sur les pannes du métro de Montréal. Mais c'est du 1 pour 1, ça, voyons, non, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Ah ouais, hein? Pour le on devrait plutôt miser à chaque heure de fonctionnement continu. Hey, 5 000 $ de l'heure. Ah ouais. Ça n'a jamais été gagné. Fred, notre premier invité. Cinéaste, comédienne, auteur, c'est une femme de tête qu'on peut apprécier dans la fabuleuse série Unité 9. Accueillons Mme Micheline Langteau. Merci de venir nous visiter, Mme Langteau. La barre est haute. Ah oui? Pour vrai? Parce que les gens n'ont pas applaudi beaucoup, hein? C'est ça. Ben pour nous, pour vous, oui, là, mais c'est ça, mais je comprends en même temps. C'est ce que je veux dire. Ben non, je sais bien. On est à radio, vous êtes à télé, on accepte ça. Je vous écoutais la semaine dernière à l'émission Sur le divan et j'ai remarqué que vous aviez un tatou. C'est-tu votre tatou pour l'émission? Oui. Oui? Vous ne l'enlevez pas entre les prix? J'ai pas eu le temps de l'enlever. Arrêtez donc. Vous ne l'avez pas? Je l'ai porté à l'université une couple de fois. Mes étudiants pensaient que j'étais un peu rocker. C'est cool. Ben ouais, ça a de l'allure, ça. Je me disais, mon Dieu, des tatous, c'est donc fun. Mais c'est pour votre fois, rôle. Non, c'est ça. Je suis obligé de les garder 2-3 jours parce qu'on tourne 2-3 jours d'affilée. Puis j'ai pas nécessairement le temps de les enlever. Alors, mais on comprend ça. En fait, c'est de les remettre qui est plus long que de les enlever. Ah oui, hein? Oh, oui. Là, on vous reçoit ici en pleine. Je veux dire, c'est la consécration d'Unité 9. Ah oui. Félicitations. Ben, franchement, merci, est-ce que les gens écoutent ça, Unité 9? Tout le monde écoute ça. Ben, regardez. 2 millions de téléspectateurs. C'est assez hallucinant. C'est hallucinant, certainement. Oui, j'avoue que c'est... ça nous a toutes pris par surprise. Ben, on va Radio-Canada en premier. Ben oui. Il faut le dire. Mais Radio-Canada... TVA aussi, hein? Hein? Oui, TVA aussi. Je pense que c'est plus TVA qui a fait le show. Mais à Radio-Canada, on n'a pas besoin d'argent, ça, tout le monde le sait. Ben non. Et on a assez compressé le monde. Ben non, mais c'est ça. Correct, à cette heure, regarde, c'est fou. Les toilettes sont en or, vous savez. Mais cela dit, c'est votre dernier hit télévisuel. Ça datait de quand? Ça vous a remis un peu sur la map quand même. Jamais deux sans toi. Moi, c'est cyclique. Moi, on me découvre, on me perd, on me découvre, on me perd, on me découvre, on me perd parce que. C'est des cycles de 20 ans? C'est ça. Non, 7-8 ans à peu près. Ah, OK. Non, j'ai été 6 ans sans travailler. Je me rappelle pas de la dernière chose que j'ai faite, honnêtement. Arrêtez donc. Je crois que c'était un monde à part. Ah, il n'y avait pas Internet. Là. Ouais, ça fait un moment. Ah hein. Oui, ça fait longtemps. Il y avait Internet, je pense, quand même. Mais c'est pas loin de ce temps-là. Mais quand même, vous avez fait des films, vous, pendant ce temps-là. Oui, bien, c'est ça. J'ai la chance d'avoir un... Je sais pas si c'est un deuxième ou un premier métier, mais en tout cas, j'ai la chance d'avoir une alternative. Alternative, c'est ça, c'est ça. Mais 2 millions de téléspectateurs, vous pourriez en parler dans votre série, que vous faites des films, ça pourrait attirer peut-être plus de monde. Ben non, mais il en parle déjà la semaine prochaine. Je fais des blockbusters, apparemment. Ben non, c'est ça. Mais c'est pas grave. Vous en préparez un autre, là, un film, là. Non? Oui, j'en ai un en chantier. J'en fais en financement. Là, j'attends après le financement. C'est bien de jouer comme ça parce que ça nous permet d'attendre. D'attendre, en fait. C'est ça. C'est toujours compliqué de recevoir des financements, oui. C'est toujours compliqué. Parfait. C'est toujours une grosse montagne. Mais pourquoi vous faites pas des films là avec Louis-José Hood puis Michel Côté? Ouais. Il me semble que ça se finance facile. Films de hockey, là. Ou avec J'aimerais ça. Bon. Hey, écoute, ben on peut lancer la POC et dire voilà, Micheline aimerait ça faire des comédies d'action. Un film que t'as pas envie de t'ouvrir les veines à la fin, là. Ben... Pas que... Non, mais je dis ça, mais en même temps, je me dis comme. Est-ce que tu insinues que. Ben, je veux dire, j'ai rarement entendu rire dans une salle. Hein, ben, j'ai dit ça comme ça. En même temps, peut-être que c'est ça que les gens veulent voir, mais je veux pas m'étendre là-dessus. C'est ça. Il pleure, Jean-Philippe. Ah ouais, hein? C'est aussi bon. Moi, je trouve. Ben, en même temps, je me dis, on pleure tellement souvent dans la vie. C'est vrai. Je trouve qu'on rit trop un peu aussi. Pour vrai? Non, oui. Ah, oui. Mon Dieu, que ça nous met mal pour le reste de l'émission, ça. Oui, c'est ça. Tu vois, la barre va être moins haute. Tu vas pouvoir t'ajuster. C'est ça. Et puis, ça sera comme un récital de flûte, finalement. Hey, ça a acheté un froid, ça. Combien qu'il nous reste de temps? Non, je vais retourner en prison. Okay? 40 minutes, oh mon Dieu. On en a pour Ils un bout. Ils m'attendent là-bas. Oh. Non, mais le monde capote tellement sur cette série-là. Je voyais que les gens écrivent directement au personnage. Ben oui. J'ai lu ça à Shandy, le personnage joué par Suzanne Clément. Salut Shandy, c'est vrai ma poulette que t'es sexy, mais laisse-moi dire que je te trouve pas mal agace. Est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment de très bonnes comédiennes ou le monde est un peu mongol? J'en ai aucune idée. Je sais que l'auteur répond à tous ces messages-là dans la peau des personnages. Ah oui? Ouais. Ah mon Dieu, c'est extraordinaire quand même. J'ai pas visité le site encore. Mais allez-y pas, parce que moi, on m'a transmis des messages que les gens m'envoyaient. Moi, je trouve ça assez comique. Pour vrai, ça fait un peu peur. Mais c'est bien. C'est comme... oui, je sais parfois, mais c'est quand même une forme d'adhésion assez spectaculaire. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont déjà écrit à une ténèbre? Non, bon, au moins, bon, ça rassure. J'en aurais fait sortir une coupe. Est-ce qu'il y a des gens qui vous abordent dans la rue comme en tant qu'Élise? Ah, mais oui. Pour vrai? Ben oui. Écoute, il y a deux personnes qui m'embrassent sur la rue. Je trouve ça tellement trippant. C'est-à-dire, embrasse? Ils m'embrassent. Il y a une personne qui m'a embrassé dans le cou. À un moment donné, j'étais en train de tourner autre chose. Et puis, je pensais que c'était quelqu'un que je connaissais. Ben alors, oui. Je me suis retournée pour dire bonjour. Puis, elle a fait bye-bye. Puis, elle est partie. C'est fâchant? Mais non, j'ai trouvé ça totalement mignon. Ben oui. L'autre fois, c'était un homme. Il m'a embrassé ses deux joues. Ah, ouais. Dans le temps d'Omerta, ça arrivait-tu, ça? Ah oui, ça, c'était non, j'étais obligé de les supplier pour qu'ils m'embrassent. C'est un personnage un peu moins... C'était spécial, on va se le dire comme ça. mais cela dit, est-ce que vous avez été obligé de faire de la prison pour jouer votre rôle? Est-ce que vous êtes allé en prison? Eh ben, j'aurais bien aimé ça. Ah, c'est fâche, hein? Il y a plein de trucs, hein? Il y a plein de trucs. C'est ça, on aurait appris plein de trucs, mais non, honnêtement, je pense que... Vous n'avez pas eu besoin de... Non, je ne suis pas de cette école-là. Non. Je suis d'une école où je pense que l'imagination supplée amplement. Et comme on travaille en fait dans un décor extrêmement réaliste qui est inspiré de la prison de Joliette et qui est très, très bien fait, on a vraiment une illusion complète. Et il est où ce décor-là pour le fun? Il est dans le studio de Radio-Canada. Arrêtez donc. Et oui. Ben, tous ceux qui écrivent au troisième sous-sol. Absolument. Bon, ben, venez voir. Vous l'avez vu, c'est bien, bien le fun. Cela dit, je dis tout le temps cela dit. Donnez-moi un truc. J'ai un problème, je dis tout le temps cela dit. Entonces. Cela dit. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est en espagnol. Ils disent tout le temps 16 espagnols. Ah ouais. Ça veut dire alors. Entonces. Ouais, c'est un peu. Entonces. T'aimes pas ça? Ben, Par ailleurs. Je vais travailler sur par ailleurs. Par ailleurs, mais en même temps, je trouve que ça fait... En tout cas, par ailleurs, paraît-il qu'il y a une crise dans le cinéma québécois. Et là, je veux pas vous accuser de rien. Je ne veux pas vous accuser de rien. Non, je sais. J'ai ma part de responsabilité. Ben, c'est ça que je me dis. Mais est-ce que c'est vrai? Caroline, avez-vous arrêté de me faire dire que je fais des films qui marchent pas? Non! Ça tue hey! Bon ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est... Votre dernier, pour l'amour de Dieu, mon très, dernier... très... très bien fonctionné. En fait, ouais, très, très bien fonctionné. Dans vos standards, franchement, oui. C'est un nouveau bon. Je m'excuse. Non, j'ai rehaussé la barre du cinéma québécois cette année. J'espère. Année-là. Donc, il n'y a pas vraiment de crise. Non. Pas en ce qui me concerne, en tout cas, moi, c'est pas mal toujours pareil. Moi, je ne vends pas beaucoup de popcorn, alors je ne suis pas directement concerné par cette crise. C'est plutôt les exploitants, donc M. Gouzeau. Hein, ah, on le connaît pas, lui. C'est plein de ne pas vendre assez de popcorn. Mais oui, franchement, ça, c'est des niaiseries. Ouais. pardon, mon Dieu, je te mets de la misère avec... Par ailleurs, Jean-Philippe. Mais j'allais dire Anton Cesse, c'est-tu un... Ah oui, c'est bon, beau. Anton c'est Cesse, joli, oui. En deux... Pas pire, hein? Ah, c'est bien. Ça vient vite, vite pour moi. c'est joli. Vous en parliez un peu plus tôt, et vous l'avez déclaré en 2007, c'est difficile de vivre du métier de cinéaste. Et ça, c'est vrai qu'au Québec, c'est difficile de vivre du métier de cinéaste? Oui, oui, c'est très difficile. Je me plains évidemment à la bouche pleine, mais j'arrive quand même des films. Oh, mais oui, bon. Oui, c'est difficile parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de programmes de formation d'abord. Ah. Mais ouais, vous êtes coupable aussi, vous en donnez un programme de formation. Exactement, mais à chaque fois, je me dis, bon, mais voilà, je vais rencontrer mes étudiants en compétition dans un dépôt quelconque, quelque part, c'est ouais, sûr. C'est maudit. Mais bon, il y a tu sais, je ne sais pas combien de cégeps d'université et d'écoles de cinéma qui donnent des programmes de formation avec le résultat que tous les budgets n'augmentent pas hein, dans les institutions. Alors, le même argent sert à trois fois le nombre de postulants. Donc, chercher l'erreur. On est en ligne avec l'étiquette et puis on se dit, bon, ben, on va finir par passer, mais on ne sait pas quand. Ben, vous êtes une des chanceuses parce que vous passez quoi, deux, trois ans? Quatre ans? La moyenne. Bon. Je sais que vous faites votre prochain... Il faut que je fasse autre chose entre-temps. Ben, c'est nécessaire. Disons-le. Et est-ce que vous envisageriez un autre métier? Comme par exemple Fred Savard, lui. Il y a plusieurs pauses entre ses films. Il est venu faire de la radio. Entre mes deux émeraudes, je fais un peu de radio. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous envisagez un autre métier? J'envisage tellement d'affaires que je ne suis pas capable de me fixer sur rien. Ben oui, vous êtes aussi chroniqueur, éditorialiste à Bazo.tv. J'ai des sautes d'humeur une fois par trois semaines. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Ça me permet là. De ventiler ben un oui, peu. Oui, c'est pas correct. Mais non, oui, ben, la radio, c'est fantastique. Bon, ben là, il y a un poste ouvert, comme je vous dis. Fred, formidable. Il va tourner son prochain film bientôt. Extraordinaire, Fred. Ben parfait. On pense à ça. Je vais postuler, OK, Jean? Ah, vous n'avez pas besoin de postuler, à mon avis. J'ai joué de la flûte à bec aussi. Arrêtez donc. Ça pourrait être un atout, je ça sais pas. Ça pourrait être bon, nos applaudissements, ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui nous manque souvent. Merci beaucoup, Michel Nanto. Vous restez avec nous? Oui. Merci. Je sais pas si vous avez entendu parler du sondage du Parti conservateur qui est publié sur son site Internet. Ça fait beaucoup jaser depuis quelques semaines. Selon plusieurs, les questions seraient un peu orientées. Mais c'est peut-être une impression. On va en juger par nous-mêmes parce qu'on a mis la main sur une version radiophonique du sondage qui devrait nous éclairer. On écoute. À vous la parole sur les enjeux importants. Question 1. Comme nous, êtes-vous-tu d'accord que les chômeurs sont des paresseurs et des fraudeurs qui volent nos impôts qui servent à nourrir vos enfants? A. Oui, et les enfants devraient aussi pouvoir travailler. B. Oui, les chômeurs sont des parasites chroniques, particulièrement dans les régions qui ne votent pas conservateurs. Question 2. Comme nous, êtes-vous d'accord-tu d'accord que les dinosaures sont arrivés au Canada avant les Autochtones? A. Oui, et les dinosaures ne mangent pas de bouillon de poisson. B. Oui, et les dinosaures sont contre l'avortement en plus. Question 3. Comme nous, êtes-vous-tu d'accord que la Terre n'est pas ronde mais plate? A. Oui, et il y a des dragons qui mangent les gens qui tombent quand ils arrivent au bout du monde. B. Oui, parce que la science est un bastion de communistes. Merci d'avoir pris le temps de répondre comme nous à ce sondage. N'envoyez pas vos réponses. Dieu les a entendues et il nous les transmettra. Des sondages du Parti conservateur, aidez-vous à nous comprendre. C'est c'était pas si orienté que ça. Non, là. T'as le choix de répondre. Pour notre émission cette semaine, notre très, très grand reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard, est allé, eh ben oui, à Tunis rencontrer le chef du groupe parlementaire islamiste Ennahda, qui a annoncé jeudi à la télévision nationale, vous avez entendu, hein, qui rejetait l'annonce de la formulation d'un gouvernement de technocrates apolitiques. Mais, oh oui, pour vrai, mais quand il a su que nous recevions Micheline Langteau, il a annulé son voyage et il a décidé de revenir et de faire ses interventions en direct de Terrebonne. Et pourquoi, Jean-Sébastien? Ben écoutez, mon bon Jean-Philippe, hein, vous l'ignoriez peut-être avant de faire votre entrevue, Mme Micheline Langteau, qu'on aime beaucoup par ailleurs, hein, et pas seulement une comédienne. Par ailleurs. Ben oui, c'est ça. C'est aussi d'une certaine manière une cinéaste. Arrêtez donc. Mais c'est ça, les gens ne savent pas. Hein, ben parce non. Que la pauvre petite puce, on dirait qu'elle se force pour faire des films que le monde ira pas voir. Ah, donc, oh my God! Donc, j'ai voulu l'aider à faire des films divertissants qui vont marcher une fois pour toutes. Alors, pour l'aiguiller, j'ai pensé rencontrer un spécialiste du cinéma québécois. Je me trouve présentement avec lui dans un cinéma à Terrebonne. Oui. Son nom, c'est M. Vincent Goudzot, propriétaire des cinémas du même nom. M. Goudzot, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, tantôt, on va aider Mme Langteau, si vous voulez bien. Mais avant, on va revenir rapidement sur vos déclarations chocs que vous avez eues la semaine dernière. Alors, vous dites que le cinéma québécois est en crise, c'est tout à fait exact. Vous dites aussi qu'il faudrait faire des films que tout le monde veut voir, évidemment, et faire moins de films lamentables. Je pourrais pas dire plus vrai, mon Dieu, que vous avez raison, mais tous les cinéastes ont répondu dans la sphère publique que vous aviez pas rapport de dire ça. Ils ont même été violents à votre endroit. Gang de jaloux, si vous voulez mon avis. Ma question, pourquoi ils refusent d'appliquer vos bons conseils alors qu'on le sait, le cinéma, c'est une science exacte? Ben, vous savez comment c'est, la plupart des ados ont du mal à comprendre et à suivre les opinions et le bon sens. Et ben je oui. pense que la plupart des cinéastes sont un petit peu des ados ben oui. et parce qu'ils ne payent pas leur facture à c'est la fin de la journée. Quelqu'un d'autre paye pour eux autres. Et ça, mon c'est Dieu vrai. Que c'est bien dit. Et vous n'êtes pas le seul, M. Goudzot, à avoir le courage de dénoncer notre cinéma. Il y a la belle bijoutière Caroline Néron qui a affirmé récemment qu'il y avait trop de dialogue dans notre cinéma. Ben. On ne se le cachera pas. Elle a pas tort, la petite Caro. Maudit blabla inutile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai, il y a trop de blabla. Oui, trop de blabla. On parle trop, il y a trop de problèmes. On parle toujours des problèmes. Il devrait y avoir plus de jokes. Ben oui. Un petit peu plus de sexe. Et, peut-être une coupe de sac de popcorn puis une bouteille de coke partout dans les. Ben. Exact. Bon, mais justement, en parlant de sexe et de jokes, on va écouter, si vous le permettez, Fred Savard, que vous allez aimer beaucoup. Et tout de suite, on vient et on va finalement aider Mme Langteau. Merci Jean-Sébastien. On va revenir tout de suite. Ben oui, ben c'est ça. Prenez votre temps, cher. Oh. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Boutier sur les ondes de la première chaîne. Une émission beaucoup trop honnête pour se faire payer des voyages en Italie. Ah, oh, Fred Savard. Oui. Allez-y, j'ai pas de présentation pour écoutez, vous. Écoutez, j'ai envie de rendre hommage à des gens ce soir. Ah oui? Il y a rien de mieux qu'un peu de human interest pour se requinquer la cote d'écoute. L'émission La Voix nous le prouve chaque semaine. Ben oui. Parce qu'il faut le dire, nous recevons cette semaine deux monuments de la culture québécoise. Ouais. Deux personnes qui ont meublé avec bonheur une partie de ma jeunesse, hein, à l'époque où vous-même, Vautier, n'était même pas encore un projet sur cette planète. Une planète qui fonctionnait très bien, d'ailleurs. Hein, probablement mieux qu'aujourd'hui. D'abord, Mme Langteau, qui me ramène à ma tendre enfance, où je découvrais le médium télévisuel devant un écran noir et blanc de moins de 20 pouces, chose sûrement inconcevable pour les jeunes Y qui nous écoutent. Ah, oui, une télévision plus petite que l'écran de leur téléphone intelligent, qui sert la plupart du temps à mettre des mentions « j'aime » sur la vacuité de leur existence. C'est donc dans mon sous-sol que j'écoutais pour la première fois de ma vie un téléroman « Jamais deux sans toi ouais. ». Série, c'est le premier téléroman que j'ai vu, j'avais 6 ans, 7 ans à peu près. Série de Guy Fournier qui est venu aussi nous visiter ouais, l'an oui. dernier malgré son aversion pour Radio-Canada. Une aversion qu'il étale dans son journal comme un poupon étale ses premières matières dans une couche déjà pleine. Mais c'est quand même sous la plume de M. Fournier que je fus initié pour la première fois au féminisme grâce c'est au vrai. Personnage de Marie-Josée Lafleur. Hein, franchement. Franchement, franchine. Joué magistralement par Micheline Langteau. C'était à la fin des années 70. Les Canadiens gagnaient des Coupes Stanley francophones. Les expos nous proposaient une équipe prometteuse, quoique carburant à la cocaïne. Et le PQ avait des idées et le reculon n'était pas une option de leur transmission. Oh, que cette époque me semble lointaine. Ce fut mon premier contact avec Micheline Langteau, moi qui suis malheureusement trop jeune pour avoir été moustillé par la vraie nature de Bernadette, oui. où Mme Langteau tenait le rôle de la sulfureuse, quoique paysanne Bernadette. J'ai dû, malheureusement... m'émoustiller de la vraie nature de Régent Tremblay dans l'Anse et Comte, mettons que c'est moins pittoresque. Tout en écoutant Jamais 200 toi, je m'initiais également au médium radiophonique grâce à mes parents qui s'intonisaient tous les matins de la station CKC sur le AM. Oui, cher Y qui nous écoutez, il y a vraiment eu une époque où le AM torchait le FM en code d'écoute et en qualité. Oh, que cette époque me semble lointaine. C'était l'époque où les frères Proulx faisaient la loi sur le AM. Jacques Proulx le matin, Morning Man numéro 1 à l'époque, au 730, juste à côté du 690 qui occupait le Bigot. Mais il y avait aussi Gilles, le midi, que mon père écoutait beaucoup et que j'ai découvert pour mon plus grand plaisir. Enfin, j'entendais une voix discordante dans le ronron médiatique de l'époque. J'adorais son éloquence, sa verve, sa culture générale. Lui qui vilipendait les forces d'inertie qui empêchent, selon lui, le Québec de progresser, notamment les fonctionnaires qu'il appelait affectueusement les ronds de cuir qui nous coûtent une fortune. Oh, que cette époque me semble lointaine, alors qu'aujourd'hui, les forces d'inertie sont maintenant majoritairement derrière un micro à endormir la population sous les téléréalités et autres concours de chant pour débiles légers. Oui, c'est vrai, Gilles Proulx a dérapé parfois, il a exagéré, il a été parfois odieux, mais toujours avec panache, avec une superbe qu'on ne retrouve guère plus aujourd'hui, à part ici, bien sûr. Mais oui, évidemment, il n'y a pas à part nous. Hein? Imaginez si nos radios jambons d'aujourd'hui avaient la même flamboyance, la même éloquence et la même culture que Gilles Proulx. On aurait moins de jambons et beaucoup plus de prosciutto. Je ne serais pas plus d'accord avec eux, mais au moins ce serait comestible pour nos oreilles. Dans une époque qui glorifie le jeunisme et la nouveauté à tout prix, je salue nos deux invités de cette semaine qui demeurent toujours aussi pertinents dans une époque d'obsolescence programmée. Ils sont pour moi une source d'inspiration à l'aube de la quarantaine. Oui, je sais, je suis un peu têteux, mais ça... C'est le fun. C'est ça qui se passe. À mort les hipsters! Et longue vie à Micheline Langto et à Gilles Proulx. À mort les hipsters! Ah ouais, carrément! Mon Dieu! Il y a trop de jeunes! C'est pas qu'il y a trop de jeunes, c'est que vous êtes trop vieux. On retourne discuter avec l'ami Jean-Sébastien. Ah, de retour avec hey. Vincent. Oui! C'était-tu bon, la chronique de Fred? Est-ce que... J'ai aimé ça. Ah ouais? Ça m'a bien gros touché. Ben oui, je comprends. C'est une chronique manger du popcorn. Allez-y, Jean-Sébastien, je ne veux pas vous arrêter. Mais là. C'est ça. Je vous rappelle que je suis toujours avec Vincent Gauthier et je vous rappelle évidemment que le cinéma québécois est toujours en pleine crise. Ben oui. Les cinéastes d'ici font des films de poêle et une représentante de ce mouvement, c'est évidemment Micheline Langto, aussi nommée la faiseuse de cinéma subventionné, si vous voulez mon avis. Donc, on va l'aider. Alors, M. Gauthier, je vais vous lire trois synopsis de films de Micheline Langto et pour chacun d'eux, vous allez me dire ce qu'on aurait pu changer ou ajouter pour que ça devienne un film intéressant. Alors, le premier, le film Suzy. Écoutez bien le synopsis. Un garçon autiste de 10 ans prend place dans le taxi de Suzy, 58 ans et dépressive, réalisant que les parents ne savent pas quoi faire avec leur bambin, la quinquagénaire part avec lui. T'as bonne, M. Gauthier. Après une semaine d'ouvrage, est-ce qu'on a vraiment envie de payer 20$ pour voir un autiste puis une vieille déprimée brailler pendant 2 heures? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ce soit plus divertissant? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est les mettre tous les deux dans le même taxi et tout d'un coup, il y a un ingénieur qui est témoigné à la commission Charbonneau, qui court dans le taxi, puis là, il y a un kidnapping qui se passe, j'aime puis là, il y a des choses de course, puis là, il y a la commission Charbonneau excellent. Qui est impliquée dans tout ça. Hey. Bon, ben, vous avez compris, matériel, je peux réécrire. Film. Hey. Un film beaucoup plus lumineux, celui-là, un film de 2003, Le piège d'Isenotun. Alors, elle décide un matin froid de novembre de se tuer et de tuer ses deux enfants. Elle survit malgré à ses enfants en état de choc. Elle se rend sur l'autoroute entre Montréal et Québec avec le projet de s'enlever la vie. Verra, M. Gauthier, c'est pas du popcorn qu'on devrait servir avec les films de Micheline Langto, mais un tambouret puis 6 pouces de corde. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ce film-là? Ben, ce film-là, on n'aurait pu rien faire pendant tout ça. C'est vraiment déprimant, là. Ouais. Ça, il n'y a rien qui peut, même pas un popcorn et un coke pourrait sauver cette famille-là. Ben, je comprends donc. Et finalement, son prochain film, Autrui, l'histoire d'une femme qui adopte un guenillou. J'ai déjà très hâte. Un conseil, M. Gauthier? Oui, et mieux de faire un autre film de religieuse, mais cette fois au masculin, puis faire la partie 2, parce que celle-là, il me fait peur comme idée. Excellent. Écoutez, au nom de Micheline Langto et au nom du cinéma québécois, je vous remercie beaucoup. Nous, on se retrouve dans quelques minutes et on va continuer à chialer sur notre cinéma de marre de Jean-Philippe. Ben oui! Hey, puis je vous remercie de mettre le malaise, hein? C'est pas vous qui êtes avec les invités ici. Donc, ben gentil, Colin Lebin. Précieux conseil. Ben oui, hey, non, mais on a tout pris en note, là, regarde. Ah, oui. Hop, t'es pris en note. Bon, Fred, notre deuxième invité. Monstre sacré et parfois sacrant des médias québécois, notre prochain invité est un globe-trotteur en plus d'être un adorateur de Napoléon Bonaparte. Tenons-nous tranquilles, voici monsieur Gilles Proulx. Monsieur Proulx. Grand Philippe, assoyez-vous. Est-ce que vous voulez une bière, vous? Votre émission s'appelle Le Tordeur, c'est ça? Non, mais on pense peut-être changer le nom. On a des idées tordues. Oui, ouais, c'est ça. C'est... Est-ce que vous voulez une bière? Une bière? Oui. Une bière à 40 sous zéro, vous êtes effronté. Ben arrêtez donc. 40 sous zéro, hey, il fait chaud ici, là. Regardez oui, comment vrai. On est beaucoup. On va, attendre, des... on va attendre la fin, peut-être que vous allez me faire chauffer. Ben oui, peut-être. Ben regarde, je vais, ah, je vais donc, la sortir. Je vais bon, merci beaucoup. Hey, je me sens assez mal. Non, mais c'est parce que, écoutez, oui. On a tellement à date, hein, personne n'en oui. prend. Fait que, mais l'alcool au volant, hey, c'est criminel. Oui, non, je sais, mais non, vous prendrez un taxi, pardon? C'est le beau party après, je pense. Oui. Quand vous sortez, là, on a du fun enfin. Parce que comprenez-vous que. Il était temps. Ben, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça devient long, une heure. Monsieur Gilles Pou... Ah ben, je vais en ouvrir une aussi, je me sens assez bête. Ben oui, vous êtes ben sûr oui. Vous en voulez Soyez pas? À l'aise. Je... Non? Non, non, moi, c'est... non, merci. Ah non, c'est ça, hein? Ah. Bon. Alors, je vous ai donné la blanche en plus, puis j'ai assez ça. Non, non, non, non. Je suis tempérante. Monsieur Gilles Pou... Oui. Hein? Légende de radio, légende de télé. Qu'est-ce que fait Gilles Pou ces temps-ci? Rien pas en tout. Arrêtez donc! À peu près. Mais ça, moi, je vous pogne, là, à V, télé, avec... Je fais te mettre dehors de Vox. Ah ben oui. Parce que la mode est maintenant aux jeans percés, puis barbe défraîchie, puis une guitare. Ben ouais. J'ai composé une toune. Alors voilà, on est parti là-dedans. Vous avez vu que je suis rasé, que j'ai les pieds propres. Mais tu fais pas d'or d'évasion, parce qu'évasion, on est à l'heure de la gastronomie, c'est très original. Ben ouais. T'es pas capable de tenir un poste de télévision sans qu'il y ait un maudit cuisinier quelque part. On peut mettre un bain. Avec des tatous en plus. Avec des tatous en plus. Oui. Ah, il y a peut-être quelque chose pour vous, Mme Langteau, oui, après ça. J'espère. Ouais. J'y songe. Mais vous êtes toujours à V avec le maire Gendron? Deux fois par semaine. Ben oui, ça doit faire de la télé subtile et nuancée. Ça. Mais j'aime ça parce que ouais. Ça me permet de jabber un peu. Ah ouais, c'est ça. D'y casser le nez aux proches. Mais là, vous avez déjà eu une émission. Mais le problème, c'est qu'il se relève vite. M. Oui. Gendron? Oui. Ouais, mais il va pas se coucher pour de bon, lui, à un moment donné. Non, il continue ça. Ah, lui, qu'il fasse étamper quelque part. Ben oui, c'est ça, éventuellement. Parce que vous avez déjà eu une émission de télé avec M. Gendron. Oui. Ça a bien été oui, ça. Oui, de célèbre mémoire. Ouais, ouais. Oui. L'avocat et le diable, ça s'est terminé un peu sec, me semble donc. Ben, c'est moi qui étais le diable. Ben, ouais, ben oui. Il fallait que j'aille en enfer. Mais c'est parce que c'est ça, les deux se débattaient pour avoir le poste du diable. Hein? Il n'y avait pas d'avocat. C'est ça qui était annant, le show-là. Mais c'est une drôle d'idée. De la part de V de vous réunir à nouveau. Est-ce que ça donne de la cote d'écoute, ça? Étonnamment, oui. Arrêtez donc. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben c'est ça. Je suis pas capable d'expliquer le phénomène. les BBM, quand ça marche, on dit que c'est des bébés merveilles. Ouais. Puis quand ça marche pas, c'est des bébés menteurs. Ah, OK, je pensais que vous alliez dire un autre mot avec le M. Mais je vous écoutais à face à face, c'est l'émission avec M. Gendron. Et bon, ben vous êtes pas très fin avec les étudiants ce temps-ci. Hein? On peut pas dire. Vous les avez traités d'incultes, qui ben, parlent mal, qui s'englissent. Il y a 40% disant que ça n'a pas écrit au niveau de l'université. Ouais. Ils ont leur diplôme quand même. Oui, non, ben, je veux bien croire, mais même, ça va-tu si mal que ça au Québec? Ça va très bien. Ben, ça va bien. 272 milliards de dettes, la plus grosse dette. Puis on te demande 50 cents par jour, puis ils veulent pas. Ben, puis ils nous parlent du printemps érable. Moi, ça me fait rire, ça, le printemps. Ben voyons érable. Donc. As-tu remarqué, en province, ils n'ont pas tant participé. Et c'est en province que sont les érables. Mais ils sont 6 en province. Le phénomène des Montréalais, il n'y a pas d'érable. Ben non, mais je veux. Ben, attendez un peu. Au parc La Fontaine, j'ai déjà entaillé ça, mon érable. Ouais. Hey, j'ai fait un litre de sirop. Ah oui. Ah ouais. Non, mais pas une blague, hein. Ah, félicitations. Ben non, c'est une petite blague. Mais. Non, pas cela dit. Comment Anton... Par ailleurs. Anton Cess, vous trouvez qu'il manque de vaillance, les jeunes. Mais on a appris cette semaine que les étudiants québécois sont proportionnellement plus nombreux à travailler que leurs homologues canadiens. Ben oui, c'est fantastique. Ils travaillent plus longtemps, en plus. Ça prouve une chose, c'est que les causes sont faciles, tu peux travailler plus. Quoi. Ah, ça! Non? Ben voyons, il y a quelque chose qui marche pas, là. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'ils broient d'abord pour avoir la gratuité? Ben, on peut en discuter. D'aller à Cuba. Pardon? C'est à part d'aller à Cuba. Comment ça, vous voulez dire à Cuba? Tout le monde a un étudiant qui n'est pas allé à Cuba, toi. Ben, oh boy! Il y en a plusieurs dans la salle. Ah, vous êtes plus étudiante, vous. Oh, je fais mieux de faire attention. Ben oui. C'est parce qu'on a beaucoup d'étudiants en médecine ici. Ben oui. Oh, médecine! Ah, ben là, On a aussi beaucoup d'anciens candidats du NPD. C'est pour ça que c'est des gens qui voyagent beaucoup. Bravo pour les filles qui étudient en médecine. N'oubliez pas les ciseaux dans le ventre du gars, par exemple. Non, ça, c'est bien important. Là, vous faites aussi des conférences en histoire. Mm-hmm. Ça ressemble à quoi, une conférence en histoire de Gilles Proulx? Bah, je raconte l'histoire du Québec-Canada. Là. Mais avec votre vision, avec votre angle bien spécial? Bah, avec ma façon de compter, mais je triche pas, là. Ah, non, non, non. Non, non, non. Est-ce que vous racontez la guerre de 1812? Ou... Oui, 1812, où justement Michel de Salaberry-Châteauguay a gagné et n'a pas eu droit à sa reconnaissance. Arrêtez et donc. Pourtant, il s'est battu pour la société distincte. Vois-tu, l'histoire, c'est important. Comment ça? Fait que là, vous on voulait qu'il mette l'habit rouge. Il a dit non, je vais avoir un habit spécial, des voltigeurs. Êtes-vous en train de dire que Châteauguay n'a pas eu la reconnaissance parce qu'il y a une une ville un petit peu plate qui a été nommée. Oui, mais longtemps après, parce que les officiers britanniques, avec leur habit rouge, eux autres, ils n'ont pas voulu lui donner le crédit de la victoire. C'est ses soldats qui ont fait que. Arrêtez donc. Bon, on l'a consacré. Et vous parlez des étudiants. Là, regardez, il n'y a plus une personne qui est intéressée. Je sais que madame, aussi, Wilson a étudié en histoire. Il faut faire attention. Ah oui, c'est vrai? Oui. Ah ben, il ne faut pas vous tromper dans vos faits. Il y a des étudiants en histoire ici? Est-ce qu'il y a des étudiants en histoire, en philosophie, probablement? J'imagine. Moi, je fais des histoires. Ah, vous... ah, OK, c'est pas ça. Mais vous faites aussi des conférences sur la radio, ce qui est fascinant, parce que quelqu'un qui est en radio depuis combien d'années? Vous avez fait de la radio combien 50 d'années? 50 ans. 50 ans. Qu'est-ce qu'il y a un problème avec notre radio en 2013 ou c'est encore de la maudite bonne radio qu'on fait? Dans la radio. Ben, répondez pas tout de suite, là, c'est un peu gênant. Comme le joueur de hockey qui est plus là. Ouais, il va dire que le hockey d'aujourd'hui. Exactement, pas bon. C'est ça. C'était meilleur dans le temps des six équipes, j'imagine. C'était meilleur dans le temps de Guy Lafleur. Ben oui, non, c'est ça. Mais on fait quand même encore de la bonne radio, à part nous, là, qui oui, sommes oui, très bons, oui, là, on va se le dire. Oui. Ben oui, non, c'est ça, c'est de la bonne radio. La télévision est nécessaire en radio. Mais... parce que tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est gentil. Ben, je sais. C'est pas vrai. Avez-vous vu le film? De qui donc? De Jean-Yann. Ah non, j'ai pas de culture. Moi, je suis un Y, monsieur. Avez-vous Talk Radio? Oui, ça oui. Ah, Talk Radio, je l'ai vu. D'ailleurs, paraît-il que vous êtes inspiré du personnage de Robin Williams dans Good Morning Vietnam pour faire de la radio? Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé couvrir la guerre? Oui, oui, non, j'étais là durant la guerre. Moi, j'ai fait mars 75 et ils ont sauté en avril 75. Oui, j'étais. Vous étiez sur place? Oui, oui, oui, oui, oui. J'ai vu les soldats de l'armée du Sud. Vous avez rencontré Robin Williams? Non, non. Ah non, c'est un film. Je m'emmêle tout le temps dans cette affaire-là. Ce qui m'intéresse, c'est que, Fred en parlait un peu plus tôt, des grandes gueules, des gens qui brassent. Il y en a presque plus. Vous dites qu'il y en a presque plus à la radio. Pourtant, à Radio X, on écoute Radio X, c'est du monde qui brasse. Est-ce que vous n'êtes pas un peu le père de ces radios-là? Ou c'est un peu chien de dire ça? Ben ouais, c'est un peu chien celle-là parce que il a gueulé puis gueulé. T'en prendre à la bouteille au lieu du fabricant de la bière, ça fait bien pour le patron. Il attaque pas le fabricant de la bière qui est un commanditaire. Ah, c'est ça. Tu t'en prends au fabricant de la bière. Oups, attention là. Nous autres, on veut savoir du chef commercial ici. As-tu vendu plus aujourd'hui qu'hier? Je sais pas. Avec cet animateur? Non? Ah, fais attention, il va falloir qu'on organise un dîner pour y trouver un remplaçant. Parce que je dis ça, mais c'est parce qu'il y a des postes qui vont s'ouvrir à Radio-Canada bientôt. Et il y a les patrons qui écoutaient tout à l'heure. Si vous voulez faire... Ils nous écoutent actuellement? Beaucoup. Beaucoup. Ils adorent cette émission-là. Et je vous le dis, il y a peut-être un poste, parce que tout à l'heure, on a appris que Micheline Langlois allait remplacer Fred de Savard. Oui. Et là, il y a peut-être un poste pour Olivier Niquette. Qui va faire d'autres choses. Donc, je vous le dis, là, si vous voulez travailler à Radio-Canada, il y a peut-être une job. Est-ce que vous seriez intéressé? Certainement, une fois par semaine. Ah ben, pas plus. Non, parce que vous avez déjà votre job avec l'autre Gendron. Non, là. Mais je suis plus capable. Ah, avec Gendron? Avec tout le monde. Ah, vous êtes avec tout le monde. Ah, ouais. Bon, vous n'êtes pas agréable. J'ai 72 ans quand même. Ah, ben c'est ça. Je commence à mettre le pied sur le frein. Et là, votre prochain voyage, c'est quoi avant qu'on se quitte? Là? Vous avez un prochain voyage d'organiser? De l'Inde. Le prochain, c'est à Churchill, Manitoba. Hey boy. Au mois d'octobre. Ils sont dans la neige. Pourquoi? Ouais. Pour assister au rassemblement des ours polaires. Ah, vous allez faire ça? Ouais. Ah, mon Dieu. Vous aimez le froid? Attention à vous. Ben oui, c'est ça. Oui. Oui. Ben, ça pourrait faire un bon film, ça, Mme Langteau. Oui. Aller filmer Gilles Langteau qui se bat contre un ours. Un animateur de radio célèbre déchiré par un... dévoré par un... un ours polaire. Un ours polaire. Hey, ça, c'est quelque chose. Sous les yeux ébahis de Vincent Gouzeau. Des touristes. Ben oui, aussi. Ouais. Ben, qui assiste. En mangeant du popcorn. Puis en buvant du coke. Je pense qu'on a un film, là. On va faire une suite en plus d'un 2, un 3, un 4. Et si je peux me permettre, un policier assiste à la scène, Fred Savard. Oui. Bon, on a un film. Vous restez... On peut avoir de l'argent de... De l'aide au cinéma, l'ONF, ça donne pas d'aide, ça. Non, c'est un produit canadien. Moins en moins d'aide. Ben oui, en plus, Churchill, Manitoba. On a quelque chose, là. Ouais. OK, on se réunit après l'émission, vous restez avec nous. Fred, notre prochain chroniqueur. Si la radio jambon et le gluten des ondes hertziennes de ses oreilles souffrent probablement d'otite ciliaque, voici la chronique d'Olivier Niquette. Hein? Oui. Mais c'est ma 31e présentation. Ben ouais, non, je sais. Hein. Faut bien parler de gluten un moment donné dans cette émission-là. On n'avait pas encore parlé de gluten. Non. Bon, je trouve ça le fun. Ce grand ennemi. Olivier, quoi de neuf cette semaine? Ben, en fin de semaine, je suis tombé sur l'extrait d'un documentaire belge qui raconte l'histoire d'un gars qui s'est donné comme objectif de devenir millionnaire en 3 ans. Et pour s'inspirer, le Belge en question rencontre un coach québécois, Patrick Leroux, un homme d'une grande sagesse. Les Juifs, les Noirs, les ils ont toute l'association pour se défendre. Puis si t'oses les critiquer, ils vont arriver. Puis non, vous n'avez pas le droit de dire ça, mais les riches, ils n'ont pas d'association. Donc, moi, j'ai rien contre une personne pauvre, par exemple. C'est ses croyances que j'aime pas. Et je veux pas que cette personne-là me contamine. Moi, j'ai rien contre Patrick Leroux, mais je trouve ça un peu honteux qu'il ait contaminé la Belgique avec ses croyances. D'autre part, la température en dents de scie de cet hiver a beaucoup fait jaser ceux que l'expert en climat et ancien ministre Jacques Brassard appelle les réchauffistes. Heureusement qu'il est là pour remettre les pendules à l'heure. Ben, à l'heure d'il y a 300 ans. Là. Vous lisez les relations des jésuites du temps du régime français, là. Il faut revenir vers le passé. On a l'impression qu'ils s'imaginent que des redoux, ça n'existait pas autrefois. Les annonceuses de météo, quand il y a des records de chaleur, ils les annoncent, ils s'en scandalisent. Mais il y a aussi des records de froid également. Hein. C'est vrai, ça. On n'entend jamais parler quand il fait frette. D'ailleurs, là, j'ai fait un maudit saut en sortant en bobette de chez nous un matin. Là. Pas chaud pour la pompe à l'eau. Ben non. L'homme n'a rien à voir dans les changements climatiques. Et même si c'était le cas, là, ce serait-tu une raison pour faire une jambette à la grande marche du développement économique comme ils font en Gaspésie? Là? Prenez Mario Dumont. Il a été traumatisé dans son enfance par une catastrophe écologique, mais il a mis de l'eau dans son gaz puis il est passé à autre chose. Chez nous, à la ferme, quand ils ont construit l'autoroute 20, je devais avoir 2-3 ans, ils ont échappé un baril d'huile. Ils ont contaminé le puits. 15-20 ans après, je me suis dit, mon père allait vérifier l'eau de temps en temps, puis ça sentait encore l'huile. C'est pas drôle, c'est un inconvénient. Mais si moi, là, j'avais comme position aujourd'hui, dû à ça, la fin, on n'aurait jamais dû construire ça. Voilà, si Mario était sorti dans la rue quand il avait 2 ans, il n'y aurait peut-être même pas d'autoroute 20. Puis le pétrole de Gaspésie, là, on n'en parlerait pas parce que la Gaspésie serait encore isolée du reste du monde. Puis boire de la gasoline, là, c'est pas si pire que ça. C'est comme boire de la boisson, dans le fond, là. Alors pourquoi l'État essaie de tout contrôler ça? Ben, Éric Duhaime a une théorie là-dessus. Pourquoi qu'on veut que le gouvernement contrôle l'alcool, la vente de l'alcool? Faut remonter à l'époque prohibitionniste. T'sais, faut se rappeler qu'effectivement, il y a une époque où c'était très religieux et c'était pour supposément combattre l'alcoolémisme. C'est ça, les gens qui défendent le monopole, là. Et ils ont le même discours, sauf qu'au lieu d'appeler ça l'Église, aujourd'hui, ils appellent ça l'État. Ah, l'alcoolémisme. C'est presque aussi dangereux que l'analphabétisme. Non, mais Duhaime, là, il connaît ça, la religion, puis je parle pas du culte qu'il voue au libre marché. Non, je parle de la vraie religion avec le petit Jésus. Une autre affaire que j'ai collectionnée, ça, le monde va être surpris d'apprendre ça. Vas-y donc. Je collectionnais des chapelets en pétales de rose, des chapelets en marbre, des chapelets en bois, des chapelets sculptés dans toutes sortes d'affaires. Des chapelets. Écoute, je n'avais là, des tonnes et des tonnes et des tonnes. Bon, le gaz dans l'eau, les chapelets. Hey, ils n'ont pas eu une enfance facile, hein, les anciens adéquistes. Non. Ceci explique peut-être cela. Autre sujet chaud, les menaces de boycotter le sommet de l'éducation du nouveau leader de l'AC, le très, très charismatique Jérémy Bédard-Vigne. D'ailleurs, là, il vient de où son accent, lui? Je serais curieux qu'on sorte les têtes de Léon Trotsky quand il parlait il y a de ça plus de 100 ans. Là. Ça doit ressembler à ça, non? En termes d'accent, puis le style. Ben, j'ai écouté les têtes, puis Martin Pelletier a raison. Sous couvert d'un nom belge et derrière un foulard palestinien, je suis pas mal sûr que le porte-parole de l'AC s'apprête à fonder la 5e internationale communiste. En terminant, j'aimerais dire à toutes les personnes que j'ai citées dans cette chronique qu'ils auraient parfois avantage à s'inspirer de ce célèbre dicton de l'expert sportif Gabriel Grégoire. Écoute, qui ne dit mot content? Voilà. Qui ne dit mot content? Des fois, là, quand on se la ferme, tout le monde est content. Et c'est ce que je vais faire à l'instant. Merci, Olivier. Ça a été une semaine chargée pour nos radios de droite préférées. On vient de l'entendre, hein, mais on a aussi appris un congédiement. On a eu un dévoilement heureux. Allons écouter un court extrait de Radio X Jazz. On aime ça, hein, mais pas trop. Vous écoutez Radio X Jazz. La radio qui swing, toujours du même bord. De retour à l'émission des airs d'arrière sur les ondes de Radio X Jazz, Kevin Gosselin avec vous. Il fait présentement moins 15 degrés à l'extérieur, alors faites-moi rire avec le réchauffement climatique. J'ai reçu beaucoup de courriels depuis le début de l'émission. Les trois premiers applaudissent le départ de l'animatrice Sophie Bérubé et ben les deux autres déplorent qu'une autre Sophie tombe au combat à cause de Radio X. Sophie Bérubé peut se réjouir, elle qui recevra son 4% et 4% en part de marché, c'est quand même 5 fois plus que notre station. L'autre raison de se réjouir est bien sûr le nouvel uniforme du service de police de la ville de Montréal. La chemise passe du bleu ciel peu viril au noir foncé et franchement, c'est magnifique. Selon Beau Tableau, la série 19-2 devra changer toutes les chemises des comédiens et ça va encore nous coûter une fortune en fonds publics. Mais ne gâchons pas la fête, on est content du changement. Il était temps que les chemises noires reviennent à Montréal. Et pour souligner cela en musique, je dédie la prochaine chanson à toutes les chemises noires du monde entier. particulièrement en Italie. Alors on écoute Someone to Watch Over Me de la toxicomane Ella Fitzgerald sur les ondes de Radio X Jazz, le 91, blanc. Pas trop longtemps. Non, c'est ça. Une fois par deux semaines, bien en masse. Hey, Jean-Sébastien, qu'on a hâte d'aller vous retrouver. Micheline Anctot ne s'en peut plus. C'est vrai, ça. Non. Ben... non. Alors, toujours avec M. Goudreau, comme vous en doutez. Et vous savez quoi, Jean-Philippe Bottier? Non. Les artistes sont un peu jaloux de voir Vincent donner des conseils à Micheline ici, à l'émission. Il y a plusieurs de ces artistes qui viennent de m'envoyer des textos. Ils disent « Demande à Vincent de nous donner des trucs pour réussir dans le showbiz. » Alors, M. Goudreau, je vous lis ces textos et vous apportez votre expertise, si vous le voulez bien. Alors, le premier texto me vient d'un Pélagacé et d'un J.P. Voltier. Et ça va comme suit... Bonjour Vincent, nous allons animer un talk show à Radio-Québec cet automne. On a fait un pilote, mais c'est pas vergeux. En fait, ça ressemble à un mix des francs-tireurs puis de la soirée est encore jeune, mais en moins bon. Que faire pour s'assurer qu'il y ait du public? Vraiment, j'ai aucune idée quoi faire, mais tu peux toujours mettre du popcorn, du coke puis des filles nues. Des filles nues, ça marche tout le temps. Ça, c'est bon. Un autre texto qui nous vient de G. Prou qui dit « Bonjour Vincent, je suis un animateur qui commente une émission d'idées avec un maire puis une fille qui se monte les jambes au bout de la table. Que faire pour qu'on parle plus de nous? Est-ce que je devrais insulter les gens qui font l'actualité, genre les traiter de grosses charrues du calvas? » Lui, je peux vraiment l'aider parce que, son émission, c'est 10h à 11h, puis le monde qui écoute, ils ont vraiment rien d'autre à faire que d'écouter des niaiseries. Il y a juste à dire plus de niaiseries. Du sexe, il y en a déjà, parce qu'il y a des belles jambes. Et donc, c'est juste dire plus de niaiseries, un petit peu à la Martineau, ou bien à la Dumont, tu sais. En terminant, le dernier mot nous vient d'une madame M. Langto. En fait, c'est un commentaire, tout simplement. Elle dit « Merci Vincent, j'ai décidé de changer le synopsis de mon prochain film. Je vais remplacer le personnage du Guinéo par un joueur de hockey rigolo qui va se montrer la zouise et mourir dans une explosion pendant qu'il fait une sodomie à Fred Savard. » C'est pas bête, évidemment. C'est la culture du Québec. Merci beaucoup, Vincent. Et Jean-Philippe, je vous invite à venir visiter un cinéma Goudzo près de chez vous. Ben oui, merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est épouvantable. Ouais. C'est épouvantable. C'est de la projection aussi, je pense. Je sais pas. On arrête ça ici, chaud, là, j'en peux plus. Ça allait si bien jusqu'à ça. Grosse job de montage. Ben oui, hein, que ça sera pas facile à faire. Mais Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Armé d'un sens de l'observation hors du commun, il est un peu le Albert Londres des enquêtes inutiles. Accueillons Alexandre Coupal. Monsieur Coupal. Bonsoir. Hey! Ben c'est votre première présence à l'émission. Absolument. Vous allez voir, on a bien du fun. C'est tout à fait charmant, oui, jusqu'à maintenant. Ouais, mais les gens n'applaudissent pas. D'accord. Ça, c'est un problème. Mais c'est pas grave. Un stress de moins. Fait que s'ils applaudissent pas, c'est normal. C'est ça, oui, allez-y. Je viens vous proposer les conclusions de ma première grande enquête inutile. Arrêtez donc! Vous allez voir que la chronique est très bien nommée. Oui. C'est le cycle de la vie depuis quelques temps du côté de la monnaie royale canadienne. Oui, oui, oui. Puis les journaux titraient, vous allez vous en souvenir, il y a quelques semaines, les nouveaux billets de 20 $ sont indigestes. Ben oui, ils sont pas mangeables. Moi, j'ai essayé le matin, puis c'est pas... Ben, vous allez... On y reviendra. OK. L'accusation me semblait un brin injuste, ouais. Parce que les nouveaux billets ont le dos large depuis qu'ils ont fait leur apparition. Bon, ils se plient mal. Ouais. Ça fait des moins belles liasses, vous qui aimez vous exhiber la palette. Je le sais. C'est un je suis peu obligé décevant. De mettre une pile de 5$ entre mes 20$ pour que ça ait l'air plus épais. Oui, non, ça, c'est vraiment les problèmes des riches. Ouais. Je suis convaincu que M. Proulx, vous les détestez, les nouveaux billets. Je sais pas pourquoi, c'est une impression que j'ai. Est-ce que vous les détestez, les nouveaux billets? Comment avez-vous deviné ça? C'est mon flair de journaliste d'enquête. Alors, regardez si ça se prête. Moi, le jeté. Vous en avez un nombre absolument. Moi, le jeté. Décadent. Ah, c'était cœur. Alors, pour voir si l'accusation est injuste, j'ai décidé d'enquêter. Oui, et comme tout bon journaliste d'enquête, j'ai fait des découvertes dont je n'avais absolument pas besoin. Ben non, c'est ça. J'ai parlé à des nutritionnistes pour savoir si effectivement les nouveaux billets étaient plus difficiles à digérer. Ben oui, c'est ça. Alors la première chose que les nutritionnistes m'ont dit, c'est que j'étais un imbécile. Ah. Et la seconde, c'est qu'il ne faut pas manger d'argent. OK. Parce que de un, c'est malpropre. Ouais. Et de deux, c'est pas très nutritif. OK. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez essayé d'en manger. Oui, ben je n'avais un œuf, et je me disais qu'il n'y avait pas de microbes dessus. Je me suis essayé. Ouais, ben ça peut être un attrait, ça, par contre, parce que la nouveauté, la fraîcheur aussi, ça pourrait favoriser la digestion. Oui. Dans ce cas-ci, moi, j'ai pas poussé l'enquête jusqu'à faire ça, jusqu'à en manger un moi-même. Vous êtes pas très fiable comme. Non, mais c'est illégal. Ah. Parce que c'est arrêtez illégal. Donc. Oui, vous pouvez pas détruire un billet. Et entre nous, la digestion comme moyen de destruction, c'est assez. Ben oui, ben ça dépend. C'est assez violent. Je pensais que la reine était plus tough que ça. Mais non. Et moi, j'enquête dans la légalité. Ah, ok, d'accord. Okay. Contrairement à vous. Eh hey, ben ça, je trouve que c'était une enquête assez inutile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Coupal. Merci. Merci ah, les gens applaudissent. C'est très chanceux. Merci. Fred, présentez-nous notre dernier chroniqueur de la soirée. Il n'a probablement pas les heures accumulées pour tomber sur le chômage, ce qui l'oblige à venir chroniquer à notre émission pour notre plus grand plaisir. Voici notre correspondant parlementaire, Jean-Philippe Cipriani. Bonsoir, bonsoir. Bon, est-ce que vous êtes sur le chômage pour vrai? Ben, ça dépend des jours. OK, ben voilà un petit 20$. Oh, vous êtes gentil. Oh, c'est un vieux. Regardez-le. Vous venez de Québec, vous, hein? Il paraît que vous avez suivi la visite royale de Stephen Harper à Québec. Rencontre très chaleureuse à moins 40 entre Stephen Harper et Pauline Marois. Hein? Ils ne se sont pas chicanés, en plus. Non, mais faut non. Dire que lui, il devait parler français, elle en anglais. Fait que personne ne comprenait. Mais là, ce qu'on attendait, c'était la rencontre avec le bonhomme carnaval, quand même. Ben oui. Ben, en plus, ils ont un air de famille. Non, mais bonhomme qui attend toujours, d'ailleurs, en parenthèse, d'être appelé à la commission Charbonneau, là, il veut déclarer sous serment qu'il n'y a jamais eu de valise d'argent, comme l'affirmait le magazine McLean. C'était quand même un défi pour Bonhomme de rencontrer un homme aussi chaleureux que Stephen Harper. Ouais. On avait presque peur qu'il fonde. Mais il y a eu un petit moment de frayeur, selon des sources mal informées, quand le premier ministre a voulu imiter les gamins Bonhomme en soulevant sa jambe droit dans les airs pour toucher ses orteils avec sa main et qui est resté bloqué dans la région de l'aine. Arrête. Non, M. Harper n'est pas souple, ni arrête, dans les idées, ni dans les actions. Il est un peu comme lassé, finalement. Ah, okay. Mais d'ailleurs, c'est quoi c'est la réforme de l'assurance-emploi? On en parle, là, mais bon, on n'a rien de concret. Ça, ça fait partie du mammouth. Vous savez, la loi là, qui écrasait tout, là? Ouais. Après 7 semaines de prestations, vous êtes obligé d'accepter un emploi à 30 % de moins de salaire dans un rayon de 100 km. À partir d'ici à Radio-Canada, là, ça nous donne jusqu'à Drummondville. Oh boy! Fait que, par exemple, là, vous, là, mettons que vous terminez votre saison là, puis que ça prend plus que 6 semaines avant que vous commenciez à uriner sur le bord d'un mur avec Patrick Lagacé dans le générique d'une quelconque émission, là... Vous risquez d'être pas mal short dans votre budget ou bien vous allez être obligé de travailler à un moindre salaire et plus moins, par exemple, comme chroniqueur mondain à l'hebdo de Drummondville. Puis je sais que vous aimerez pas tellement Drummondville parce que, un, il faut quitter le plateau Mont-Royal, ce qui est déjà quelque chose pour vous, et que vous vous êtes déjà perdu dans le quartier 10-30. Alors j'ai peur, monsieur Vautier. Moi, je viens de Saguenay, je tiens à vous dire. En tout cas, regarde, les gens l'oublient. Le problème, quand même, c'est que ça va toucher davantage les travailleurs saisonniers au Québec, surtout en région, mais on le sait, bon, des régions, c'est pas rentable. Fait qu'il faudrait peut-être fermer ça sur M. Goudzot. Ben oui. Les profs qui sont pas permanents, les techniciens des plateaux de tournage des films à popcorn aussi, peut-être même les lutteurs, M. Proulx, qui sont aussi des travailleurs saisonniers, comme vous. Donc, l'objectif écrit noir sur blanc des conservateurs, c'est de couper les prestations de 8000 chômeurs. Il y a même des quotas à couper, là, 40 000 $ par semaine par enquêteur. Arrête, c'est quand même donc quelque chose. Mais la beauté de l'affaire, c'est que tous ces chômeurs-là qui n'auront plus de prestations vont se retrouver sur l'aide sociale et là, c'est les provinces qui vont payer. Ah. Alors, c'est ce qui nous amène à notre mot constitutionnel du jour, le partage des compétences. Voilà, ah, merci beaucoup, Jean-Philippe. C'était très, très intéressant. Eh bien, pouvez-vous croire que c'est déjà tout pour cette semaine? Ça a passé vite! Ça a tellement passé vite! Juste les bouts de Jean-Sébastien qui étaient un petit peu longs. Ouais. Alors, on vous invite à rester à l'écoute. Surtout dans... à la fin. Ah oui, ça, ça se pouvait plus, là. Vous restez à l'écoute, c'est le cabaret, plus on est de flou, plus on lit tout de suite après nous. Et c'est ensuite Bande à part animée par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe, Valentine Ticotte, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge et Marie-Hélène Vautier. Un gros merci aux invités de ce soir. On attend votre prochain film avec des joueurs de hockey. Oui. Et on attend votre prochain scénario, M. Proulx, qui va aider Mme Langteau à faire de l'argent, enfin. Ben oui. Encore. Prochain contrat à Radio-Canada. Ah oui, oui, c'est vrai, très bientôt. D'ailleurs, Olivier Niquette, faites attention. Et quant à nous, si vous voulez écouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez assister à l'émission, oui, la semaine prochaine, c'est le jeudi à 17h, nos invités, Denise Bombardier et Martin Cochon. Oh, on devrait s'amuser, on devrait s'amuser. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.